Après avoir demandé le numéro de cet hôtel, le baron prit un milord et arriva devant une de ces jolies maisons modernes à double porte, où, dès la lanterne de gaz, le luxe se manifeste. Le baron, vêtu de son habit de drap bleu, à cravate blanche, gilet blanc, pantalon de nankin, bottes vernies, beaucoup d'emploi dans le jabot, passa pour un invité retardataire aux yeux du portier de ce nouvel Éden. Sa prestance, sa manière de marcher, tout en lui justifiait cette opinion. Au coup de cloche sonné par le portier, un valet parut au péristyle. Ce valet, nouveau comme l'hôtel, laissa pénétrer le baron, qui lui dit d'un ton de voix accompagné d'un geste impérial « Fais passer cette carte à mademoiselle Josepha ». Le patito regarda machinalement la pièce où il se trouvait et se vit dans un salon d'attente, plein de fleurs rares, dont l'ameublement devait coûter 4 000 écus de 100 sous. Le valet, revenu, pria monsieur d'entrer au salon en attendant qu'on sortît de table pour prendre le café. Quoique le baron eût connu le luxe de l'Empire, qui certes fut un des plus prodigieux, et dont les créations, si elles ne furent pas durables, n'en coûtèrent pas moins des sommes folles, il resta comme ébloui, abasourdi, dans ce salon dont les trois fenêtres donnaient sur un jardin féerique, un de ces jardins fabriqués en un mois avec des terrains rapportés, avec des fleurs transplantées, et dont les gazons semblent obtenus par des procédés chimiques. Il admira non seulement les recherches, les dorures, les sculptures les plus coûteuses du style dit Pompadour, des étoffes merveilleuses que le premier épicier venu aurait pu commander et obtenir à flot d'or, mais encore ce que des princes seuls ont la faculté de choisir, de trouver, de payer et d'offrir, 2 tableaux de Greuze et 2 de Watteau, 2 têtes de Van Dyck, 2 paysages de Ruisdael, 2 du Guaspre, 1 Rembrandt et 1 Holbein, 1 Murillo et 1 Titien, 2 Teniers et 2 Metsus, 1 Van Wissom et 1 Abraham Mignon, enfin 200 000 francs de tableaux admirablement encadrés. Les bordures valaient presque les toiles.